Clara, c'est lui qui est assis sur le trône. Jésus, mais qui est Jésus qui te donne l'amour et mission.